Jette-le ton ordinateur. Tu le mets à la poubelle direct. Tu prends, tu mets la benne. Si je te perds. L'acheter. Et là, ça y est, c'est parti. Toujours pas là. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Toujours rien. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Parce que là, c'est chiant. Il n'y en a pas l'apéro, mais bon. Petit gratin dauphinois ce soir, mon petit gars. Je peux dire que ça sent bon, là. Ça sent bon.